نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل إن شاء الله تعالى درسنا الذي بدأنا فيه أمس وهو بموضوع أسباب تحقيق العفاف شرحنا ما هو العفاف العفة تكلمنا كمقدمة في هذا الموضوع المهم وذكرنا أنه متعلق بالرجال كما متعلق بالنساء كما متعلق بالرجال وأولياء الأمور ثم بدأنا شرحنا في تفصيل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق العفاف العفة ذكرنا بالأمس خمسة نكمل الباقي اليوم إن شاء الله تعالى. Donc on a dit qu'on continuait, Inch'Allah, le cours qu'on a commencé hier et qui concernait le sujet de la chasteté de la femme musulmane. On avait rappelé que ça concernait la femme musulmane, mais également ça concernait l'homme ou tous ceux qui étaient responsables, qui avaient une responsabilité envers leurs filles, envers leurs femmes, etc. Comme on l'a expliqué là, hier. Et également on a commencé à détailler ce qui rentrait dans les moyens qui permettait de concrétiser cette chasteté. On a cité quatre moyens exactement, même arba'a wasa'il. Qulna bil amsi man' al-khalwa al-muharrama bayna ar-rijal wal-mar'a, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'isolement entre l'homme et la femme. Entre l'homme ou entre la femme et l'homme qui sont étrangers bien entendu, et également l'ikhtilat, takallamna 'an al-ikhtilat qui est le mélange, qui est la mixité. Et si on regarde la législation et les textes qui sont venus à ce sujet, on s'aperçoit que tout a été placé dans un contexte où il n'y a pas la possibilité que l'homme et la femme se mélangent, ou alors qu'il y ait donc isolement. On avait cité des textes. Pour ce qui est de l'irtilat, on se rappelle également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où l'ibada, regardez, un moment où l'homme il est en adoration, donc au moment où il est en adoration, ça va être le moment où il est le plus éloigné de la fitna, au moment où il va se consacrer à son Seigneur pour l'adorer. Même à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'on ne devait se mélanger, qu'il ne devait avoir de mélange. Il nous a enseigné que les femmes devaient prier derrière les hommes, dans leur rang respectif, et que les hommes devaient prier donc devant les femmes dans leur rang respectif, et que le meilleur des rangs pour les hommes c'était les premiers, et que le meilleur des rangs pour les femmes c'était le dernier. Dans un moment d'adoration, on voit que l'ikhtilat, c'est-à-dire donc la mixité ou le mélange, se mélanger, la sharia, la législation donc, l'a écarté totalement. Alors que dire dans les autres endroits? Pour ce qui est de al-wasilatul khamisa, huwa nahi al-mar'a 'an at-tashbih bi ar-rajul aw bil-kafirat wal-fasiqat. كذلك هذا من الوسائل التي تؤدي الى تحقيق العفاف ان المرأة لا يجوز لها تمنع ان تتشبه بالكافرات والفاسقات وكذلك ان تتشبه ب الرجال كما هو ممنوع للرجل ان يتشبه بالمراه وهذا جاء في حديث رواه الامام النسائي وابن خزيمه في كتابه التوحيد وكذلك احمد الامام احمد وابن حبان وصح الشيخ الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه c'est-à-dire qu'il va y avoir trois personnes dont Allah Azza wa Jal ne va pas les regarder le jour du jugement. Al-aqu li waliday. Al-aqu li waliday. Celui donc qui est ingrat envers ses parents. Wal-mar'a al-mutarajjila. Al-mutashabbiha bil-rijal. Wad-dayyuth. Le deuxième donc, ou la deuxième, c'est la femme qui aura ressemblé aux hommes. Ici, ma'na al-mutarajjila. Ja tafsir ba'd al-mutarajjila alladhi tatashabba bil-rajul. Hadhi al-mutarajjila. هذه المرأة التي تشبه بالرجل يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إليها وكذلك الديوث وفسرنا ما هو الديوث والذي لا غيرة له عياذا بالله تجاه أزواجه donc le troisième c'est celui qui n'a pas de jalousie qu'on appelle ça الديوث qu'on appelle الديوث comme on l'a vu donc ici c'est une preuve de la gravité de cet acte-là, que la femme donc va ressembler à l'homme. Et si donc la femme, elle prend conscience de cela, et elle applique cela, elle va en fait, par ce moyen, donc se différencier de l'homme, et d'éviter de lui ressembler, automatiquement alors, à ce moment-là, elle va concrétiser, elle va concrétiser donc cette chasteté qui lui est demandée par la religion. Également, un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال c'est-à-dire qu'Allah عز وجل لعن أو le prophète لعن اللعن كما هو معروف هو الطرد عن رحمة الله c'est-à-dire c'est اللعن qu'on traduit par la malédiction. Sa signification, c'est l'écartement de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc ici, lorsqu'on a un larme dans ce hadith, ça prouve que cet acte-là, ça fait partie des grands péchés. Comment on va différencier donc les grands péchés et les petits péchés? Parmi ce qu'on va différencier, ou ce qui va nous permettre de différencier, كيف نفرق بين الكبائر والصغائر إذا نظرنا إلى سيرة الحديث وما تضمن من نوع العقاب. C'est-à-dire qu'on va regarder donc ce que le hadith va contenir comme châtiment. Et parmi donc ces châtiments-là, lorsqu'on a al-la'na, comme al-la'na, la malédiction, on sait automatiquement que c'est un grand péché, que ça fait partie min al-kaba'ir, mou min al-sara'ir, min al-kaba'ir, ayadhan billah. Donc cet acte-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la'na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a maudit l'homme qui, ou les hommes qui ressemblaient aux femmes, et les femmes qui ressemblaient aux hommes. Riyadun billah. Également un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, fi sunani, hadithun sahih, min hadith Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici également la'am. Al-rajul yalbisu libsat al-mar'a, wal-mar'a talbisu libsat al-rajul. Le prophète sallam, il a maudit dans un premier temps l'homme qui va porter les habits d'une femme et la femme qui va porter les habits d'un homme. Donc tout ça, ça rentre fi at-tashbih, c'est-à-dire donc ressembler, la ressemblance. Et ici, bien entendu, la femme qui, elle, est soucieuse de sa chasteté, elle doit s'écarter de toute femme qui a ce type de comportement ou de toute femme qui rentre dans cette catégorie, celle qui ressemble aux hommes. Pour préserver donc, elle, sa chasteté. Et ça, bien entendu, c'est une règle. C'est-à-dire, on va toujours regarder avec qui on va rester. Car la personne avec qui on va rester, le plus souvent, et dans la plupart des cas, c'est celle qui va nous influencer. C'est une personne qui va souvent nous influencer. Donc, à partir de là, on doit toujours regarder avec qui on doit rester. Alors, kulli hal, ça, on détaillera plus tard. Min suwar wal mazahir. Parmi donc les cas ou les situations où la femme, elle ressemble à l'homme. La coupe de cheveux, ça rentre dans cette catégorie. Donc la femme qui se coupe les cheveux comme un homme, une coupe courte, cela c'est interdit. Et cela, ça rentre fi tashabbuh bil rijal. De même pour ce qui est des habits, al-libas, y a-t-il d'exemple le pantalon? Donc le pantalon, c'est interdit pour la femme qu'elle s'habille, qu'elle se revêt d'un pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est spécial à l'homme. C'est un habit qui est spécial à l'homme. C'est pour ça que les savants, dans la plupart de leurs fatwas, ils ont interdit à la femme qu'elle sorte et qu'elle mette un pantalon. Dans un premier temps, parce que ce n'est pas assez vaste pour cacher l'aurat al-mar'a. Et dans un deuxième temps, ça rentre dans tashabbou bil rijal. Uniquement où cela a été permis par certains savants, c'est lorsque la femme elle s'habille juste pour son homme, c'est-à-dire en présence uniquement en présence de son homme. À la kulli hal, ça, c'est une exception que certains ont fait. Également, tout ce qui est propre à ce qu'on a dit aux pervertes, car on a parlé de ressembler donc aux hommes, mais également, elles ne doivent pas ressembler à celles qui sont dites al-fasiqat, les pervertes, comme par exemple les chanteuses, comme par exemple les actrices, toutes ces femmes qui sont, au vu de la religion, considérées comme des fasiqat, des pervertes, la femme, elle doit s'écarter de leur ressembler. Dans un premier temps, elle ne doit pas s'occuper d'elle ou alors les regarder, ou etc. Et bien entendu, à plus forte raison donc de leur ressembler. Car malheureusement, on voit que certaines sœurs, celles qui s'affaiblissent dans la religion, elles commencent peut-être à s'occuper ou à regarder telle ou telle actrice ou telle chanteuse qui est à la mode. Regardez comme elle s'habille, regardez comme elle fait. Ça va engendrer dans le cœur peut-être un certain amour. Et c'est un amour qui va être dangereux, où la femme, à cause de cela, elle va perdre sa chasteté. Donc également, ça fait partie des choses que la sœur musulmane doit éviter absolument pour préserver cette chasteté. Et comme on l'a dit, donc, s'écarter de toutes les personnes qui, ou de toutes les femmes qui vont également dans ce sens, ou alors qui elles, ressemblent à ces femmes-là. Et également, pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Fi hadithin sahih, wa juz min hadith, روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لا يحب رجل قوما إلا جاء معه يوم القيامة. C'est-à-dire il n'y a pas une personne qui va aimer un peuple sans que le jour du jugement il vienne avec ce peuple, qu'il soit ressuscité avec ce peuple. فهذا خطير جدا بالنسبة الرجل وبالنسبة المرأة الذي يقع في قلبي حب لقوم ويثني عليه ويمدح وهم أبعد ما يكون عن الإسلام عن عقيدتي عن عقيدة الإسلام عن خلق الإسلام وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أحب قوما سيجي أو يجي يوم القيامة معهم عياذا بالله c'est-à-dire dans le sens où il sera ressuscité avec eux. Et également le fait de le ressembler, que ce soit le kafirat ou le fasiqat, c'est également une chose qui est dangereuse pour sa croyance. Et n'am, car ça peut jusqu'à aller toucher sa croyance, qu'elle soit influencée donc dans sa croyance. Donc on voit que la question n'est pas si simple, ou alors n'est pas à prendre à la légère. Ayyadan billah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait le hadith alladhi rawahu l'imam Abu Daoud wa Ahmed, wa hadithun sahih, sahahu shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, wa kadhalika al-Albani fil Irwa, man tashabba bi qawmin fa wa minhum. Celui qui va ressembler donc à un peuple, il fera partie de ce peuple-là. Fawa minhum, il sera considéré comme eux. Donc celui qui va ressembler à un peuple de mécréants, alors il va être considéré comme eux. Man tashabba bi qawmin, fawa minhum. Al-wasilatu sadisa, wa safar bi ghayri mahram. As-safaru bi ghayri mahram. An-nusus kathira. C'est-à-dire les textes, ils sont nombreux. Parmi ces textes-là, un homme qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a informé que sa femme était partie faire le hajj. Et donc ici on voit que la situation est encore plus précise, car ici c'est pour le hajj, l'adoration, el hajj. Qama rajul qal in imraati khalajat حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. Et lui, il avait été en réalité écrit, c'est-à-dire on l'avait noté pour qu'il aille faire un jihad, ghazwa, le jihad, qu'il aille combattre avec des hommes. Le jihad fi sabilillah. Donc regardez la situation, sa femme elle est partie pour le hajj, donc pour faire une adoration. Et lui, il était consigné pour faire le jihad fi sabilillah. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Sam quand il a connu cette situation, quand il a su cette situation? Il a dit "Intaliq fa hajj ma imratik", c'est-à-dire pars et fais le hajj avec ta femme. Donc on va comprendre à ce moment-là que le prophète sallam, il n'a pas permis que cette femme-là elle parte d'elle-même et qu'elle fasse le hajj d'elle-même. Il fallait automatiquement qu'il y ait la présence d'un mahram. Donc ça, c'est aussi bien pour le safar qui est pour l'adoration, le hajj, ou le safar qui est pour autre qu'une adoration. Al-Muhim, c'est que ce soit un safar. C'est vrai qu'ici, il y a également Bard al-Ikhtilafat ben al-Ulama, car beaucoup de hadiths sont venus pour déterminer Al-Ayam, yani combien de jours la femme elle doit partir pour que ce soit considéré comme un voyage, ou alors combien de Al-Masafa, c'est-à-dire la longueur, etc. Et en réalité, cette question-là, elle revient à la même question que le voyage. C'est-à-dire que Madama yutlaq al-ism al-safar wa yu'raf wa yakun fi 'urf an-nas an hadha safar fa yu'tabar annahu safar. C'est-à-dire donc que tant que les gens d'une contrée considèrent de partir à un tel endroit c'est un voyage, alors on va considérer cela comme un voyage, et à partir de là jami' al-ahkam tantabiq ala hadha as-safar min qasl as-salawat wa kadhalik man' safar al-mar'a bi bidun mahram. Et un des hadiths qui est les plus explicites dans ce sens, où le prophète sallam yaqul la tusafiru al-mar'a illa ma'a dhi mahram, c'est-à-dire la femme ne peut voyager wa dal safar una mutlaq la tusafiru al-mar'a illa ma'a dhi mahram, c'est-à-dire que la femme ne peut voyager si ce n'est avec la présence d'un mahram. Et le mahram, on a vu qui il était, le dernier quoi. Et c'est vrai que si on regarde la femme qui voyageait seule, elle s'expose à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle peut s'exposer à beaucoup de problèmes. Et au moment où elle va s'exposer avec ces problèmes, elle va avoir affaire à des, dans la plupart des cas, à des hommes. Et au moment où elle va avoir affaire à des hommes, alors on sait ce que cela peut advenir. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont advenir. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans l'isolement, elle va être obligée de parler à des hommes, etc. Et tout ce que cela va engendrer comme mal. Ayadan billah. Et on sait que la femme, elle est faible à ce niveau. On l'a déjà vu. Il y en a beaucoup de nusus, beaucoup de textes du Coran, de la Sunna nous prouvent que la femme, à ce niveau-là, elle est faible. C'est-à-dire qu'on peut lui dire des belles paroles, etc., qu'elle est sensible à cela. Donc, la sharia, c'est-à-dire la législation, on a pris en compte cette tabi'a, hadith tabi'a al-mar'a, c'est-à-dire la nature de cette femme-là. Et c'est pour cela qu'elle a mis donc des lois, qu'elle a mis des règles qu'il faut respecter pour ne pas donc ensuite tomber dans ce qui serait une perdition, ayadan billah. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, "Awaman yansha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin." C'est-à-dire donc ils l'ont traduit de cette façon-là, "Awaman man al maqsuduna al mar'a al bint. Awaman yansha'u fil hilya." Cet être élevé au milieu des parures, al hilya qui sont donc les parures, les bijoux. Tayyib. Et qui dans la dispute et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est au moment où elle est dans le khisam, donc elle est en dispute, elle perd ses moyens. Et de par sa faiblesse, c'est sa faiblesse à elle. Ici, c'est un texte coranique, c'est Allah Azzawajal qui nous en informe. Donc on ne peut renier cela. Et al-waqi'a tashhad bidhalik, c'est-à-dire donc les situations que l'on vit nous prouvent cela. Donc c'est pour ça que l'ahkam shar'iyya ja'at bil hifadha ala al mar'a wa 'irdiha wa 'iffatiha. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir rahimahullah par rapport à ce hadith ou par rapport à ce verset afwan, al mar'atu naqisatun yukmal naqsuha bi libs al hil. C'est-à-dire que la femme elle est naqisa, elle est incomplète, et ce qui vient compléter ce qui est incomplet, c'est quoi? C'est la parure. C'est pour ça que la femme, elle a besoin de se maquiller. Elle a besoin de porter des parures. Ce que l'homme, lui, ne fait pas. Ça, en réalité, c'est pour cette raison que la femme, elle, se maquille, que la femme, elle porte des bijoux, etc. Pour compenser, donc, ce naqs. Et ensuite, il dit, « Mundu takun stifla », c'est-à-dire depuis qu'elle est petite fille. Elle est née, donc, comme ça. C'est « ala al-fitra ».« Fa'idha khasamat, fala ibrata laha » Belhiya ajiza, c'est-à-dire donc lorsqu'il y a une dispute, alors la ibratala, sa parole ne va être même pas prise en compte. Il n'y aura pas une argumentation réellement qui va pouvoir à ce moment-là décider ou alors faire la différence entre al haqq wal batil. Hiya ajiza, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'est pas capable, elle est incapable. Ensuite, al-wasilatu sabi'a. Al-wasilatu sabi'a, tajannub al-muthirat wal-fitan. S'écarter de tout ce qui va provoquer les tentations. Et on va voir ici plusieurs points. S'écarter de tout ce qui provoque la tentation. La femme, pour qu'elle préserve sa chasteté, elle doit s'écarter de tout ce qui provoque la tentation. Al-fitna. Ici, on va revenir à une base qui est fondamentale. Narja ila qa'idatin muhimmatin fil islam. Qa'idatun usuliyya. هذه القاعدة تقول بسد الذرائع بسد الذرائع السد هو السد on peut le traduire par le fait de boucher une issue de fermer une porte هذا عندما تسد الطريق تسد السبيل تسد الباب tu fermes donc la porte هذا معنى tu fermes la porte سد الذرائع الذرائع qui est le pluriel de ذريعة جمع ذريعة والذريعة هي السبيل Tariqa. Idan, ma'na, ici, c'est donc fermer ou obstruer les portes qui vont bien entendu amener au mal. Allati, tusil ou tuasil ila ash-shar. Tuaddi ila ash-shar, ila ash-shurur. C'est pour ça que c'est une règle qui est profondément étudiée et appliquée par les jurisconsultes. Wal usuliyun. C'est une règle qui est importante, ou beaucoup de savants. Comme l'imam al-Shafi'i fi kitabi al-Risala, bayyana ma dalla ala hadhi al-qa'ida min khilal as-sunnah an-nabawiyya. Wa ata bi amthila kathir. Il a apporté beaucoup d'exemples pour prouver que cette règle est bel et bien présente dans l'islam. Sadd al-dhara'i'. Et bien entendu, ici, lorsqu'on parle de sadd al-dhara'i', ce qui nous concerne à ce moment-là dans notre sujet, c'est pour ce qui est de la chasteté. C'est pour ce qui est de la chasteté. Tayyib. Et tout ce qu'on va citer maintenant, les différents points qui rentrent sous cette wasila, c'est en réalité pour s'écarter, pour fermer la porte à tout ce qui pourra amener à un mal. Comme on l'a vu, la parole de Luqman. Luqman en a bahat fil mawdou'a. Par rapport à Luqman, en a tal akhra di saltani bilams. Sah? Il n'a qu'ultu alayhi salam. Luqman ikhtalafu l'ulama, hel wa nabi, ou ghayru nabi, yani min al-salihin, min al-awliya. Wal jumhur, annaou. من الأولياء أنه ولي وليس بالنبي مع الاختلاف وكذلك اختلفوا في نسبه واختلفوا في اسمه يعني الاسم الكامل يعني أجداده واختلفوا في صفاته واختلفوا من أي بلاد وهكذا هناك يعني différence par rapport نعم parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question hier il m'a dit Luqman c'est-à-dire عليه السلام يعني en prenant compte donc c'est un prophète. Et donc, il faut savoir que pour ce qui est de Luqman, les savants, ils ont divergé. Certains ont dit que c'était un prophète, certains ont dit que c'était un homme sage. Warfan, c'était ce qu'on appelle un wali, un saint. Il y a une personne qui fait partie de Aulia, qui avait un haut niveau de piété. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal l'a honoré en le citant dans son Coran et en lui attribuant une sourate. Mais il faut savoir que Al-Jumhur, c'est-à-dire la plupart des savants, ils disent que ce n'est pas un prophète, qui n'est pas considéré comme un prophète, mais comme un homme saint. Et on appelle Al-Hakim, yani Luqman le sage, parce qu'Allah Azzawajal lui a donné donc cette hikmah. Outi al-hikmah. Ils ont aussi divergé par rapport à ce qui était de son nom complet, d'où il venait exactement et ses attributs, c'est-à-dire sifat al-khalqiyya ou akad. La première chose, c'est qu'il interdit à la femme de serrer la main de l'homme étranger. Ça, c'est le premier point qui est en dessous, adil wasila. Il est strictement interdit à la femme qu'elle serre la main à un homme étranger. Et les preuves, elles sont là. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, bien entendu. Car ici, il y a musharaka, al-musafaha, il y a musharaka bin al-rajul wa al-mar'a bil-tiqal al-yadayn. Et les preuves de cela, et bien entendu, ça c'est également donc une chose dangereuse. Qui peut apporter une grande fitna pour la femme, qui peut donc lui faire perdre cette chasteté et cette pudeur. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith alladhi rawahu l'imam al-Tabarani wa hadithun sahih sahahu al-Sheikh al-Albani sahih al-Jami' qui est le hadith numéro 5045. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhit min hadidin khayrun lahu min an yamussam ra'atan la tahillu lahu. C'est-à-dire donc, machit, c'est ce qu'on sert donc à, pour filer la laine, etc., comme une aiguille donc, une sorte d'aiguille, d'une longue aiguille, il est mieux pour lui qu'il se prenne une aiguille en fer et qu'il la plante dans sa tête. C'est mieux pour lui qu'il serre la main à une femme qui ne lui est pas permise, donc qui est considérée comme étrangère. Ce hadith, il est authentique. Rawahu l'imam al-Tabarani. Donc regardez al-khatar an yusahif al-rajul al-mar'a al-ajnabiyya. Il dit le Nabi sallam annahu khatir jiddan. Annahu ahsan law an yakhud makhit min hadid wa ash yudkhilu fi rasi. Ahsan an yusafih al-mar'a. Ayadan billah. Également, ce que nous a cité notre mère, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, jamais, jamais serré la main d'une femme. Jamais il n'a serré la main d'une femme, même pas lorsqu'il prêtait allégeance aux femmes. C'est pour ça que ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, taqula Aïcha, wallahi, ma massat yaduhu yadam ra'atin qat fil mubaya'a wa ma yubayi'uhunna illa biqouli qat bayatuki ala dharik. C'est-à-dire qu'elle dit qu'Aïcha, elle témoigne que le prophète sallam, ou que la main du prophète sallam, et en jurant, elle taqul wallahi, ma massat yaduhu yada mra'atin qat abadan, c'est-à-dire de manière absolue, jamais le prophète sallam il a serré la main d'une femme, même au moment donc où il faisait al mubayara avec les femmes. Et comme il faisait, quelle était sifat al mubayara le Nabi sallam? Simplement par la parole. Kana yubayya al-mar'a al-ajnabiyya bil kalam faqat wa laysa bimassal al-yad kama kana ya'mal ma'a ar-rijal et kana yaqul qad bay'tuki 'ala dhalik, c'est-à-dire donc j'ai prêté allégeance, ou alors j'ai pris de toi ce pacte par rapport à ce qui a été cité, par rapport à ce qu'on a, sur quoi on s'est mis d'accord. Et on sait que si le prophète sallam il n'a jamais fait ça, alors nous encore plus, sachant que le prophète sallam c'était le plus pieux des hommes, celui qui était le plus loin de toute fitna, qui était écarté de toute fitna. Alors que dire de nous? Wa yaqul Allah azza wa jal, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. C'est-à-dire il y a pour nous un bon exemple dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il a fait. Fi khuluqihi wa fi af'alihi wa fi aqwalihi fi kulli shay. Fi jami' tasarrufatihi sallallahu alayhi wa sallam. Pour le deuxième point, itlaq al-basar ila ma la yahil. Itlaq al-basar ila ma la yahil. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à l'homme et à la femme, ici bien entendu précisément la femme, il n'est pas permis qu'elle regarde ce qui ne lui est pas permis de regarder, ce qui lui est interdit. Donc ar-rajul al-ajnabi. Ar-rajul al-ajnabi. La yajuz an tandur ilayhi. La yajuz an tutliq basaraha ilayhi. هذا محرم في الدين وتأثم إذا فعلت ذلك. Et la preuve, elle est du Coran, donc plus que clair. والله عز وجل يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Et dit donc aux croyantes qu'elles baissent leur regard. Elles baissent leur regard, bien entendu, par rapport à ce qui va être interdit, par rapport aux hommes qui lui sont interdits. Et sous cette question, une question qui va également être importante et beaucoup se pose et qui revient souvent, une question que posent souvent les femmes sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui est permis maintenant par rapport à la femme de regarder en direction de l'autre femme? Qu'est-ce qui est permis de regarder en direction d'une autre femme? C'est-à-dire la femme musulmane, qu'est-ce qu'elle peut regarder de sa sœur? Qu'est-ce qui lui est permis qu'elle regarde donc de sa sœur? Et ici donc, pour détailler un petit peu, car c'est une question qui est beaucoup revenue et je le sais, j'ai donc apporté une fatwa des grands savants saoudites, l'âge d'Aïma, où ils ont donc détaillé pour ce qui est de cette question-là. Et donc je vais la lire et je la traduis, on va dire, yani en résumé. Donc la question, c'est عن حدود نظر المرأة إلى المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس. C'est-à-dire donc la question c'est quelle est la délimitation de ce que peut regarder la femme vers la femme, bien entendu la femme musulmane, et ce qu'elle doit donc porter comme habit. Donc la réponse est la suivante: فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنا الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله C'est-à-dire donc que les femmes, du début de l'islam, du temps des salafs, c'était des femmes qui avaient atteint un haut niveau pour ce qui était de la pudeur, pour ce qui était de la chasteté. Et ça, bien entendu, c'est de par cette baraka qu'elles ont eue de leur foi en Allah et au prophète. On avait vu que le premier moyen, al-wasilatul ula wal-iman billah wa taqwa واتباع القرآن والسنة وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن ثياب الساترة. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles portaient des habits qui étaient totalement pudiques et qui cachaient tout de leur corps. ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. C'est-à-dire donc qu'on ne reconnaissait pas d'elles, qu'il n'était pas connu d'elles qu'elles enlevaient leur habit. Il y a ici le fait d'enlever de manière abusée les habits, ou tabadzul, donc dans le même sens, lorsqu'elles se réunissaient avec les autres femmes, ou alors lorsqu'elles étaient en présence de leur maharim, c'est-à-dire de ceux qui sont interdits, comme par exemple l'oncle, le père, etc. Wa ala hadhi sunnah al-qawima jara 'amal nisa' al-ummah wa lillah al-hamd. C'est-à-dire qu'ensuite, elles ont suivi ce chemin qu'ont emprunté donc les premiers de l'islam. Ils ont ensuite, les salafs, suivi ces chemins. C'est pour ça que les femmes, de même, elles ont fait. Elles ont suivi le même chemin. Cette sunna, considérée donc bien entendu comme une sunna qui est qawima, qui est forte. Et ensuite, يقولون ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. Donc ici ils vont répondre par rapport à toutes les questions, beaucoup de questions qui leur ont été posées par rapport à ce sujet, qui est un ishkal, c'est-à-dire qui est une source d'ambiguïté entre les femmes. C'est-à-dire qu'est-ce que la femme elle peut regarder de sa sœur musulmane, qu'est-ce qui lui est permis. Et donc dans le même sens, comment elle s'habille sa sœur musulmane devant les autres sœurs musulmanes lorsqu'elles sont réunies, lorsqu'elles ont une réunion, lorsqu'elles se rassemblent. Et donc à Muqaddima, ils ont rappelé la question de l'haya, de la pudeur, la question du comportement, etc. Que la femme donc doit être pudique. Elle doit faire preuve de comportement, ça c'est sifat al-mar'a al-muslima al-mu'mina. Et tout ce qui va donc l'écarter de la fitna. Wa qad dalla dhahirul 'ala anna al-mar'ata la tubdi lil-mar'ati illa ma tubdi limaharimiha mimma jarat al-'adatu bikashfiha fil bayt wa hal al-mihnati kama qala ta'ala wa la tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna. Al-aya. Donc, la réponse, elle est plus que claire. Ils ont dit, les savants, que comme le Coran, ظاهر القرآن, ce qui est apparent du Coran, c'est que la femme, elle doit s'habiller devant les femmes comme elle s'habille devant al-maharim, donc comme elle s'habille devant son oncle. À titre d'exemple. Elle doit s'habiller de la même façon. Suivant, bien entendu, mimma jarat al-ada, c'est-à-dire donc cette habitude qui a été prise dans la société. Et quand on parle bien entendu de société ici, c'est les sociétés conservatrices, les sociétés qui sont musulmanes, qui ont hérité de cette hashma, de cette haya qu'avaient les femmes d'avant. C'est ça l'habitude. C'est faux, on ne regarde pas l'habitude lorsqu'on parle de l'urf, lorsqu'on parle de l'ada, on ne regarde pas l'habitude ou l'urf, pays où on vit. Ou alors, dans certains pays où malheureusement il y a eu une décadence, ayadun billah. Le maqsouduna bima jara l'ada, de ce qui était pratiquée de manière habituelle et continuelle par les femmes, et donc on sait, chacun il sait cela, si on regarde par rapport à leur grand-mère, soit en Algérie, soit au Maroc, soit dans les pays, la femme elle s'habille, elle dit tahshemsh, même elle maharim, c'est-à-dire qu'elle s'habille de manière des plus pudiques, elle laisse juste apparaître ses mains, elle laisse juste apparaître son visage, ses pieds uniquement. Ou alors, lorsqu'elle fait le ménage, il y a ici le ménage, lorsqu'elle fait son ménage, bien entendu. Et ensuite, ils vont détailler. وَإِذَا كَانَ هَذَا وَالنَّسَ الْقُرْآنِ وَوَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُنَّةِ فَإِنَّهُ وَالَّذِي جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ نِسَاءِ الرَّسُولِ وَنِسَاءُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ اتَّبَعَهُنَّ بِإِحْسَانٍ مِنْ نِسَاءِ الْأُمَّةِ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في التكشف فعلى وات على أنه لا يدل على جواز دليل من كتاب أو سنة هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهو موجود بينهن وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم أخرجوا الإمام أحمد وأبو داود. Donc ils vont expliquer les savants que ce qui était appliqué à partir de ce verset des femmes du prophète, des femmes, des compagnons, ensuite des femmes des tabi'in et tous ceux qui les ont suivis de manière vertueuse jusqu'à nos jours, ces femmes-là, elles laissaient apparaître devant la femme musulmane uniquement ce qui apparaît, on va dire, fil aada, ou fi hal al mihna, lorsqu'elle donc elle fait son ménage. C'est-à-dire donc, comme ils vont dire ici les savants, kankishaf al-ras, comme par exemple donc qu'elle laisse sa tête avec ses cheveux, donc apparaisse sa tête et donc le début du cou. Également, al-unuq, donc al-unuq le cou. Naam. On dit le unuq c'est le cou. Et également l'yadain, donc les deux mains, on a dit, ou al-qadamain également, c'est-à-dire donc les deux pieds, uniquement. C'est ce qui est permis, que la femme, elle puisse voir l'autre femme. Et donc, ils nous disent donc les savants, que si elles ne font pas cela, automatiquement, elles vont à l'encontre de cette sunna. Et elles vont donner un mauvais exemple pour les autres femmes. Et également, parmi elles, les mauvaises choses qui vont en découler, c'est qu'elles seront... où elles vont ressembler à ce moment-là aux kafirat, aux fasiqat, les pervertes, etc. Donc il est interdit que la femme, elle s'habille de manière très légère devant sa soeur musulmane. Et il nous rappelle les savants également que la femme, taftatin bidalik, c'est-à-dire même que la femme, elle a un sentiment qu'elle peut être muftatin lorsqu'elle va voir une autre soeur très belle devant elle, qui par exemple laisse apparaître une partie de son dos, laisse apparaître par exemple un habit qui va être très, très léger, par exemple jusqu'à l'épaule, etc. Ça rentre dans la fitna. C'est pas permis donc que la femme s'habille de cette manière-là en présence des autres sœurs. Donc ici, la fatwa elle est plus que claire. Et c'est la fatwa que tous les savants ils ont rapportée. Certains livres de jurisconsulte, on voit qu'ils disent que la partie que doit cacher la femme devant la femme, c'est du nombril jusqu'au rakba, c'est-à-dire rakba qui est le genou. Dans un premier temps, les savants, beaucoup de savants ont répondu à cela, ils n'ont dit aucun dalil à la dalik. Bien au contraire, comme on a vu donc ce qui est pris du Coran, ce qui est pris de la Sunna des femmes du prophète et des sahabiyat, c'est une chose qui n'était pas connue dans un premier temps. Et qu'on n'a pas le droit également de faire un qiyas bain al-mar'a wa al-rajul, car on sait que pour ce qui est du rajul, lui sa aura, c'est du nombril jusqu'au genou pour ce qui est entre les hommes. Et ce n'est pas le cas pour les femmes. Tayyib. Et certains savants ont expliqué, ils ont dit que c'était simplement fihal ad-darura, et comme ils disent les savants, on ne peut pas s'imaginer qu'une femme elle s'habille de cette manière-là devant d'autres femmes. C'est quelque chose qui est assez inimaginable. Donc ça c'est une parole en réalité qui n'a pas de asl, qui n'a pas de base dans la religion et qu'on ne peut prendre en compte. Donc ce qui est pris en compte c'est cette fatwa des savants qui est reposée donc sur l'apparence de ce qu'a indiqué le verset du Coran et ensuite ce qu'ont suivi les femmes du prophète et des compagnons, femmes des compagnons et des tabi'in jusqu'à nos jours, parmi les femmes croyantes et pieuses. Ensuite, la troisième partie, qui rend toujours fil al-wasilatu sabi'a, an-ijtinab, an-tarqiq al-sout, wal-khudu' bil-qawl. Qu'est-ce que tarqiq? Tarqiq al-sout, c'est lorsque la femme, elle adoucit sa voix. Lorsque la femme, elle adoucit sa voix, elle parle d'une voix douce. La femme, elle sait faire ça. Elle sait parler, si elle veut parler d'une voix douce, avec son mari, elle va parler d'une voix douce. Et également, al-khudu' bil-qawl, al-khudu' c'est tout simplement faire apparaître dans la parole une sorte de plaisanterie ou de ce qui va être interprété comme légèreté, etc. Donc la femme, elle doit également s'écarter de tout cela lorsque, en cas de nécessité, elle doit parler à un homme. Pour ne pas perdre, bien entendu, ici, sa chasteté. et pour préserver cette chasteté. Et la preuve de cela, un verset du Coran, qui sera donc des plus explicites, et qui est le verset 32, fi surat al-Ahzab, où Allah azawajal yaqul, ya nisa an-nabi, ô les femmes, ya nisa an-nabi, ô les femmes du prophète, lastunna ka ahadin min an-nisa, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Initaqaytunna, c'est-à-dire si vous êtes pieuses. Car les femmes, bien entendu, on l'a expliqué de manière détaillée lorsqu'on a expliqué la risala de Cheikh Abdelrazak al-Badr, fi ta'ammulat liqawli subhanahu wa ta'ala, wa azwaju ummahatuhum, wa azwaju ummahatuhum. Donc on a détaillé l'explication de ce verset et ce qui concernait les femmes du prophète. Et ici, al-Shahid, fala takhda'na bil qawl. C'est-à-dire donc, ne soyez donc pas complaisantes dans vos propos. Donc on a expliqué, fala takhda'na bil qawl, donc al-khudu', une parole qui va causer une fitna, de plaisanter, par exemple, ou alors de dire une chose qui peut prêter à interprétation. Et quelle est la cause de cela, al-hikmah? Celui qui a dans son cœur déjà une maladie, qui a une perversité dans son cœur, qui a une maladie, yatma', c'est-à-dire qu'il va désirer. À ce moment-là, il va avoir dans son cœur un désir qui va surgir, qui va naître. Et ça, donc, ça va créer une fitna. Donc, c'est la hikmah que la femme musulmane. Donc, ici, bien entendu, c'est pour le cas des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour toutes les femmes des musulmans, car c'est leur modèle. Donc, ne jamais enjoliver, ne pas embellir et ne pas accompagner leur voix, donc, de ce qui va prêter à la fitna. Ça, c'était le troisième point. Ensuite, le quatrième point. Et lorsqu'on dit, bien entendu, qu'il est interdit de parler aux étrangers, la femme, elle parle uniquement dans un cas de nécessité. Et dans ce cas, parler uniquement en formulant une phrase donc courte et dont on comprend le sens de ce qui est voulu. Et ne pas allonger le discours inutilement. C'est ce qui est donc permis uniquement à la femme, c'est en cas, bien entendu, de nécessité. Et avoir, comme on l'a dit, une voix portant une intonation sobre et sérieuse. Et en s'écartant donc de tout adoucissement dans sa voix. Le quatrième point, c'est le rina, c'est la musique. Le quatrième point, le rina, la musique. Et naam. Car on sait que la belle parole a un mauvais effet dans le profond du cœur. Ayadun billah. Donc le rina, ça fait partie également des wasail ou des moyens qui vont faire perdre à la femme en réalité sa chasteté. Et c'est pour ça qu'il disait, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme a fait le Majmoua, « Ou amal fawahish, fal rina'u ruqyatu zina. » Falrinaou ruqyatu zina. Qu'est-ce que ça veut dire ruqyatu zina? Ruqya, c'est la chose qui permet donc d'avancer ou de pouvoir parvenir à ce qu'on veut. C'est-à-dire ruqya qui va nous faire progresser vers cette chose-là, qui va nous faire avancer vers cette chose-là. Il disait, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, falrinaou ruqyatu zina. C'est-à-dire la chanson ou la musique, c'est ce qui va amener en réalité au zina. Ayyadun billah. Wa min a'zam asbab al-wuqu' fil fawahish. Et c'est l'un des plus grandes causes qui amène l'homme fil fawahish, qui amène l'homme dans les grands péchés et la turpitude. Et Ibn al-Qayyim, il disait wala rayba anna 'ala al-ghayur yujannib ahlahu sama' al-ghina kama yujannibuhunna asbab ar-riyab. Il disait Ibn al-Qayyim que la personne qui est réellement, donc ici il s'adresse à celui qui est responsable de sa famille, de sa femme, de ses filles, celui qui est réellement, qui a réellement dans son cœur el-ghayra, la jalousie, il écarte donc la musique de sa maison. Il est toujours présent pour interdire qu'on puisse écouter la musique dans son foyer, que ce soit donc sa femme, ses enfants, etc. Hada wal rayur. Car il sait que cela va amener au zina et ça va développer des sens. Et plus précisément chez la femme, qui est plus sensible, lorsqu'elle va écouter ses musiques sentimentales, etc., ça va développer chez elle des sens qui vont en réalité amener à sa perdition, ayadun billah. Et qui vont lui faire perdre avec le temps cette chasteté. Donc on est bien ici, on coupe ici tous les moyens qui vont nous amener à perdre cette chasteté. L'interdiction de la musique, elle est plus que claire, d'après un verset du Coran et d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas d'excuse par rapport à cela. Le Coran est venu pour mettre en évidence que le rina c'est muharram. La sunna elle est venue pour mettre en évidence que le rina c'est muharram. Parmi les versets, ou le verset que les savants ont pris comme preuve, c'est le suivant: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Certains parmi les hommes s'emploient sans science aucune à se procurer les moyens de diffuser des discours frivoles en vue d'égarer les autres et de railler nos versets. Ceux-là seront voués à un tourment infamant. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Donc, l'explication a été plus que claire des savants. D'abord, quelle est la cause de descendre de ce verset-là? La cause, c'est tout simplement qu'il y avait une personne parmi les mouchriquines qui venait, lorsqu'une personne donc entrait dans l'islam et commençait à écouter le Coran, pour la faire sortir de l'islam, elle venait lui chanter des chants, pour l'écarter donc de la voie de l'islam, pour l'écarter donc d'écouter le Coran. C'était ce que faisait cette personne-là. C'est pour ça que ce verset, il est descendu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. Ça, c'est la preuve du Coran. لَهُوَ الْحَدِيثِ, ils ont dit الْمَعْنَا الْغِنَا, c'est-à-dire donc la musique. Et c'est pour ça que on va retrouver dans le même sens de cette interdiction ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما روى الإمام البخاري تعليقا وصله أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف الحديث. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous annonce que dans notre communauté il y a des gens qui vont venir pour rendre licite, et là, parmi ce qu'il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, entre autres que l'amr, que l'alcool, l'harir, la soie, il a cité le ma'azif. Il a cité donc les instruments de musique. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est plus que clair. Si le khamr, il est interdit, ensuite ils l'ont rendu permis, et qu'il a cité en même temps al-ma'azif, qui sont les instruments de musique, alors automatiquement, ça rentre fi al-siyaq, fi siyaq al-hadith, anna hadha muharram. On va terminer al-wasilatul akhira, liki al-mar'a taqdira ala al-hifaz, ala al-iffa wal-afaf. Donc le dernier, c'est tout simplement le hijab shar'i, c'est-à-dire qu'elle s'habille d'un vêtement qui va être islamique et qui va donc la protéger des regards des autres et des étrangers. Ça également, c'est un des points qui est essentiel, et que le dernier des points, qui est le huitième, c'est donc an tartadi al hijab shar'i. Les preuves sont nombreuses par rapport à ça, du Coran et de la Sunna. On va citer donc, pour terminer cela, certaines preuves du Coran et de la Sunna pour que l'homme, pour que le musulman et pour que la musulmane, ils soient donc à la basira, qu'ils aient science de cela. Car malheureusement, on entend beaucoup de nos jours des gens qui proclament que al-hijab, comme on doit l'habiller, ça ne fait pas partie de l'islam. Ou alors que le fait de se cacher le visage par le niqab ou autre, ça ne fait également pas partie de l'islam. Ayyadan billah. Comment ces gens-là, ils sont arrivés à dire de telles choses? Soit ça vient d'une personne qui est plus qu'un jahil, qui est plus qu'un ignorant de la religion islamique et qui n'a jamais ouvert un livre d'un savant qui parle donc de al-hijab shar'i à partir des versets du Coran et à partir de la sunna du prophète. Donc un ignorant. Et l'ignorant, bien entendu, il n'a pas le droit de parler. Un ignorant, al-jahil, il n'a pas le droit de parler. Dans la religion, il doit se taire, sinon il fait des massacres dans la religion, il fait des catastrophes, il va dire des choses qui sont ignobles, ayyadun billah. Donc c'est un jahil, il doit se taire. D'une personne qui a une maladie dans son cœur, qui a été atteint d'un tel niveau d'innovation qu'il est arrivé à dire des choses qui vont être contraires au Coran et à la Sunna. Et ça, les sabir arrive. C'est pas une chose qui est étonnante de la part des gens de l'innovation qui transforment la compréhension des versets et la compréhension de la sunna suivant leur passion. Donc ils en arrivent à dire que cacher le visage de la femme, ça ne fait pas partie des femmes, c'est pas une chose qui nata'ajjab minhu, c'est pas une chose dont nous on est étonné, car ils ont dit des choses qui sont encore pires fil aqida fil la azawjal, dans la croyance, ils ont dit des choses qui sont encore pires dans la croyance qu'on a envers Allah azawjal, et même à propos d'Allah, ils ont dit des choses encore pires qui sont strictement en contradiction avec le Coran et la Sunna. Alors, où est-ce qu'on va s'étonner que un de ces innovateurs ou une de ces innovatrices va parler sur le sujet de, sur ce sujet donc de l'islam, et va dire de telles choses qui qui en réalité relève de l'ignorance et relève de l'innovation. Parmi les versets qu'on va citer, et c'est des versets, inshallah, qu'il faut connaître, il faut avoir ses preuves avec nous, car la personne qui s'attache au Coran et à la Sunna, qui suit le minhaj salafi, qui suit le minhaj des salaf, il parle avec science. Lorsqu'il parle, c'est pas avec le hawa. Ceux qui parlent avec le hawa, c'est les gens de l'innovation. Ceux qui parlent avec le jahl, c'est ahlul jahl. Lakin, الذي يتبعون المنهج السلفي يتكلمون بالعلم لابد يتكلمون بالقرآن والسنة. C'est ce qui va faire donc la différence entre lui et l'autre, c'est qu'il parle avec les preuves du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, si vous êtes en contradiction avec ce qu'on est en train de dire, alors apportez-nous quelque chose du Coran et de la Sunna. L'imam Ahmed, rahmatullah alayh, lorsqu'ils ont dit fitnat al-khalq al-Qur'an, lorsqu'ils ont dit les gens de l'innovation al-mu'tazila que le Coran il est créé, que c'est pas la parole d'Allah azawajal, mais qu'en réalité il est créé, c'est une création le Coran, c'est-à-dire dans le sens c'est Allah qui a créé le Coran et ce n'est pas donc la parole d'Allah. Ils ont convoqué l'imam Ahmed, ils l'ont châtié. L'imam Ahmed, il disait simplement une seule parole: atuni bi shay'in min al-Qur'an aw sunna aqulu bi. Bas. Kana yaktafi bi hadha al-kalam. Wa ma dakhala fi al-niqash amam al-mala. Il n'est pas rentré dans un niqash total, c'est-à-dire dans une polémique avec eux. Il aura simplement dit: si vous avez quelque chose du Qur'an et de la Sunna, alors apportez la main. Bas. La shay'ani la zada 'ala hadha al-kalam. Apportez-moi si vous avez quelque chose du Qur'an et de la Sunna, je dirai avec cela. Car moi je parle avec le Coran et la Sunna. Ça c'est minhaj al-sunnati wal-jama'a. Ça c'est la voix des gens de la Sunna du consensus. S'ils parlent, ils parlent donc avec des preuves. Ici lorsqu'on parle, on va parler avec des preuves du Coran et de la Sunna. Sinon on se tairait, on ferme le micro et c'est terminé. Si on n'avait pas de preuves. Maintenant ce qu'on va dire, c'est pris du Coran et de la Sunna et des versets qui sont plus que clairs et évidents pour ceux qui sont doués d'un minimum d'intelligence, qui est un minimum de compréhension parmi ahl al-aql. Le premier verset c'est le suivant: wa idha sa'altumuhunna mata'an. Si vous leur demandez ce dont vous avez besoin, mata'an. Wa idha sa'altumuhunna mata'an, fas'aluhunna min wara'i hijab. Alors demandez-leur de derrière un voile. C'est-à-dire qu'il y a entre vous et elles un voile. Dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. C'est-à-dire cela est plus pur pour votre cœur et pour leur cœur. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre à partir de là? Que lorsque les gens, lorsque les sahaba, ils venaient demander aux femmes du prophète. Bien entendu, ce verset, il est descendu pour les femmes du prophète. Et ça, c'est plus que clair dans la religion. C'est que toutes les règles qui sont descendues pour les femmes du prophète, on les applique également aux femmes des musulmans. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sont les modèles pour les musulmanes. De même, tout ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'applique également sur le musulman. Sauf s'il y a une preuve qui vient nous prouver de façon claire qu'il y a une différence fi hadha al-hukm, dans cette règle-là, entre cette catégorie de gens et cette catégorie de gens. S'il n'y a pas de preuve qui vienne nous faire la différence entre eux, ces deux règles, alors automatiquement on est obligé de les comprendre et de les appliquer à l'ensemble de la communauté. Sinon, il nous faut des preuves. Sinon, en fait, on dirait des choses sans science. On appliquerait des choses dans la religion sans aucune science. Donc si ce verset il est descendu sur les femmes du prophète, cela s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Donc ici on voit qu'il y a la présence d'un voile qui va être entre celui qui va demander et la femme. Donc le voile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout est caché. Qu'il ne peut voir son visage, qu'il ne peut voir ses mains, qu'il ne peut voir ses pieds, qu'il ne peut voir aucune partie de son corps. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. إلي الإمام ابن كثير يقول: أي كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها فمن منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلى من وراء حجاب. C'est-à-dire donc, si une personne, elle veut demander quelque chose, c'est-à-dire comme je vous ai interdit de rentrer auprès d'elle et donc de rester en isolement avec elle, de même je vous ai interdit de regarder ces femmes de manière vilkulia, de manière totale. Donc on n'a pas le droit de regarder la femme, que ce soit donc son visage ou alors que ce soit une autre partie de son corps. On n'a pas le droit de regarder la femme qui est étrangère. Donc à partir de là, la femme, elle, pour qu'elle garde cette chasteté, elle doit cacher son corps tout en entier, du haut jusqu'en bas. L'imam al-Tabari, l'imam al-Mufassirin, il disait « As-su'al min wara'a hijabin atharu li qulubi al-rijal wal-nisa min awarid al-ayn allati tu'ridu fi sudur al-rijal wal-nisa wa ahra an la yakuna li shaytan alaykum wa alayhin sabil » C'est-à-dire donc que l'imam al-Tabari, il expliquait, et bien entendu l'imam al-Mufassirin, que cela était bien plus pur à l'homme et à la femme lorsqu'il ne se voit pas. Donc lorsqu'elle va, il va demander quelque chose à cette femme-là, il ne la voit pas. Il lui demande simplement sans la voir. C'est quelque chose qui est bien plus pur pour le cœur. Pour le cœur. Et il est vrai que si la personne, elle demande une chose à une femme, il commence à la regarder. Et c'est vrai que ce qui va être le plus beau sur la femme, dans un premier temps, c'est le visage. C'est ce qui, on va dire, qui attire le plus dans un premier temps. Donc, comme il nous l'explique l'imam al-Tabari, ça fait rentrer dans le cœur des choses qui vont... Il y a awarid. Des choses donc qui vont influencer le cœur et qui vont donc amener à une fitna, qui vont faire surgir du cœur une fitna, ayadun billah, une tentation. Ça c'est pour le premier verset qui fait surat al-Ahzab et qui est le verset 53, c'est les coalisés. Ça c'est la première preuve du Coran et qui est plus que claire, comme on l'a expliqué et dont ont pris comme preuve tous les savants. Le deuxième verset c'est le suivant, c'est toujours fi surat al-Ahzab, les coalisés. Et c'est le verset 59. Le verset 59. يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de se couvrir. Ici, يعني قل لأزواجك. Donc à tes femmes, ou à banatik, à tes filles, ou à nisa el mu'minin. Donc on voit ici le hukm. Ici ça a été détaillé. Donc ça a bien concerné les femmes du prophète, mais également les femmes des croyants, de tous les croyants. Donc ici ça a été précisé. Ici ça a été précisé. Auparavant ça n'a pas été précisé, mais c'est compris dans le même optique, c'est-à-dire c'est compris sous la même règle, qu'il n'y a aucune différence. On a affaire entre les femmes du prophète et les femmes des croyantes, si ce n'est donc avec une preuve. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. C'est-à-dire donc elles vont rabaisser sur elles el jilbab, yani la pièce avec laquelle elles vont se couvrir. Et on va voir, comme l'ont expliqué les savants, elle fait retomber donc ce voile-là, ou alors ce qui va le couvrir, jusqu'à son al-unuq. Donc bien entendu, ça va être compris le visage. C'est-à-dire donc elle fait retomber cela sur son corps, tout en entier. Et la cause. C'est-à-dire donc afin qu'elle ne soit pas reconnue. Et bien entendu, pour pas qu'elle soit reconnue, on va reconnaître la femme par quelle chose, si on avait à la reconnaître, c'est-à-dire par le visage. On va reconnaître la femme, yani, par le visage dans un premier temps, non par le corps, car les femmes elles peuvent se ressembler, mais le visage elles ne se ressemblent pas. Donc ici c'est afin qu'elle ne soit pas reconnue, qu'on ne leur fasse pas de préjudice ou autre. Naam. Et pour venir appuyer donc la compréhension de ce verset, on rappelle un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Jarir al-Tabari wa Ibn Abi Hatim rahmatullah ala al-jami' wa Ibn Marduya wa an Ali Ibn Abi Talha an Ibn Abbas annahu qala amara Allahu nisa al-mu'minin idha kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattin wujuhahunna من فوق رؤوسهن بالجلابيب بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. Donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il disait à propos de ce verset du Coran? Il disait que Allah Azza wa Jal a ordonné aux femmes des croyants, lorsqu'elles sortent de leur maison pour un cas de nécessité, fi hajatin, donc de couvrir leur visage de dessus leur tête, donc de couvrir leur visage de dessus leur tête, بالجلابيب, donc ce qu'on a dit الجلابيب, et qu'elle laisse apparaître un seul œil. وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا. Ensuite, le troisième et le dernier verset qu'on va prendre, et qui est également une preuve pour ce qu'on a cité auparavant, c'est Fisurat Nour, qui est le verset 31, et le dernier des versets. Donc on a cité trois versets qui sont plus qu'explicites pour ce qui est de ce sujet. وَاللَّهُ عَزَجَلْ يَقُولُ وَقُلْ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية. Donc le sens de ce verset qui est le suivant, ça c'est fait sourate An-Nur, qui est le verset 31, dit aussi aux femmes de baisser leur regard. Donc ça c'était une preuve lorsqu'on a vu pour ce qui était de préserver donc la chasteté, de préserver leur chasteté et de ne montrer que les dehors de leur atour. Et donc de laisser apparaître uniquement, ici ils vont dire leur atour, on va voir quand on a réellement le sens au niveau de la langue arabe et la traduction, ou alors le sens qui a été donné par les salafs, par les sahaba. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, qu'elles ne fassent pas apparaître leur ornement sauf devant leur époux. Ici, pour ce qui est de ce verset, Abdullah ibn Mas'ud en a donné l'explication. فَيَقُلْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِمَعْنَا الثِّيَابِ. Ici, ma'na زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, c'est-à-dire donc, Allah Azza wa Jalla dit aux croyantes de ne pas montrer uniquement ce qui va obligatoirement apparaître d'elles et dont elles n'ont pas la possibilité donc de cacher. Et donc il nous dit, Ibn Mas'ud, il nous dit ma'na huna thiyab, c'est athiyab. Et l'imam al-Tabari, il rappelle pour ce qui était de l'explication de ce verset, ou l'imam al-Mufassirin, وَلْيَلْقِينَ خُمُورَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ لِتَسْتُرْنَا بِذَلِكَ شُعُورَهُنَّ وَأَعْنَاقَهُنَّ. C'est-à-dire donc qu'elles doivent, elles khumour, donc qui est elles khumour, elles khimar, donc qui est également le fait donc de se couvrir, c'est-à-dire cette pièce qui va permettre donc de couvrir tout de la femme. Et lorsqu'il dit, jusqu'à qu'elle cache donc les cheveux jusqu'à la poitrine, les cheveux et la poitrine, donc automatiquement, il rentre dedans le visage. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam, il a dit à propos de cela, فَلَمَّا نَزَلَ ذَلِكَ عَمِدَ نِسَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى خُمُورِهِنَّ فَشَقَقْنَاهَا وَأَرْخِيْنَاهَا عَلَى أَعْنَاقِهِنَّ وَالْجَيْبُ وَالشَّوْقُ طُولَ الْقَمِيسِ فَإِذَا ضَرَبَتْ الْمَرْأَى بِالْخِمَارِ عَلَى الْجَيْبِ سَتَرَتْ عَنَقَهَا. Donc ici également dans le même sens, c'est-à-dire que la femme lorsqu'elle va rabaisser ce voile sur elle, automatiquement elle va rabaisser jusqu'à que on ne voit plus rien d'elle, même l'unuq, c'est-à-dire même le cou. Donc il rentre dedans de façon plus que claire le visage. Et simplement pour revenir donc à cette explication, certains savants ont rapporté que Ibn Abbas, à partir de ce verset, illa ma zahara minha, donc on a dit que la femme elle ne doit pas laisser apparaître sa parure, uniquement de ce qui est donc de ce qu'elle ne peut, elle n'a la possibilité de cacher. Certains savants ont rapporté la parole d'Ibn Abbas qui disait al-waj wal-kaffayn, c'est-à-dire donc les deux mains et le visage, sachant que d'autres n'ont pas fait apparaître cela. Ils ont dit donc que c'est uniquement, comme on a dit, al-thiyab, que ce soit Ibn Mas'ud, al-Hassan, Ibn Sirin, Ibrahim al-Nakhai et d'autres encore grands savants parmi les sahaba et parmi les tabi'in. Et ici une belle parole de l'imam Shankriti rahmatullah alayhi fi kitabi adwa al-bayan rahimahullah, le grand savant et qui est donc l'auteur de ce grand tafsir du Qur'an bil Qur'an qui adwa al-bayan, yaqul hadha al-kalam. L'imam Shankriti va nous dire que lorsque on dit que dans ce verset illa ma zahara minha, ça concerne donc le visage, ça concerne les mains, il va nous dire que on va trouver tujad fil aya qarinatun tadullu ala adam sihhati hadha al-qawl. On va trouver donc dans le même verset un indice qui va nous prouver que cette parole-là n'est pas authentique, qu'elle n'est pas prise en compte pour expliquer ce verset. Il va nous dire de cette manière-là. Wa hiya anna zina fil lugha, donc il va revenir au terme. C'est vrai que c'est un terme qui est important, le terme zina ici. Et on sait que parmi les explications du Coran, on a dans un premier temps le Qur'an bil Qur'an, ensuite le Qur'an bil Sunnah, le Qur'an bil Aqwal al-Sahaba, mais également le Qur'an bil Lughat al-Arabiya. Donc on est obligé d'en venir à la langue arabe. Ici, pour ce qui est des paroles des Sahaba, il y a ceux qui ont dit al-Thiyab, ceux qui ont dit al-Wajh al-Kaffayn. Tayyib. Le Shia, lui, il va plus loin. Il va nous expliquer également qu'est-ce qu'on comprend de ce terme al-Zina. Kama jafil le verset, wala yubdina, zina tahunna illa ma zahra minha. Donc zina, il nous dit le shir, fil lorat al arabiya, dans la langue arabe, c'est yama tazayyanu bihi al mar'atu mimma huwa kharij an asli khilqatiha. C'est en réalité tout simplement la parure. C'est ce que avec lequel la femme va se faire belle et qui est en dehors de sa création. Par exemple, le fait de mettre un joli collier, le fait de mettre une bague, etc., ça fait partie de ce qu'on appelle zina, des parures. Donc c'est bien des choses qui sont extérieures au corps de la femme. Taïb, c'est des choses qui sont extérieures au corps de la femme. Madal la diat hakak. Echal la diat hakak. Allez, taïb. Imkin sawait harakat ou ma'adri. Allah, Allah yahfadouk. Taïb. Fassa c'est la marna zina fil lorat al-arab. Donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre le verset du Coran. C'est pour ça donc que beaucoup de ceux qui ont expliqué ce verset, ils ont dit c'est athiyab, c'est les habits. Donc ce qui est en dehors de la femme, c'est-à-dire de sa création. Et c'est dans ce sens donc, فَعَلَ هَذَا فَتَفْسِرُ الزِّنَ بِبَعْضُ بَدَنَ الْمَرْأَ خِلَفَ الظَّاهِرِ وَلَا يَجُوزَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالدَّلِيلِ يَجِبَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ. C'est-à-dire que, en réalité, lorsqu'on comprend le sens de ce terme-là, on va s'apercevoir que c'est contraire à ceux qui ont dit que c'est al-wajj wal-kaffayn pour ce qui est de ce verset. C'est contraire à ce sens-là, car ça fait partie du corps de la femme en elle-même. Et il nous dit qu'il n'est pas permis donc. وَهَذَا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. C'est-à-dire donc c'est l'apparence du Coran. C'est ce qu'on comprend en apparence de ce verset du Coran. On n'a pas le droit donc de yani wala yajuz al-hamla alayhi la bid-dalil yajib ar-ruju' ilayhi. C'est-à-dire qu'on ne peut s'écarter de cette compréhension sauf par donc une preuve sur laquelle donc on va revenir et on va sur laquelle on va donc s'appuyer. Ça c'est pour ce qui est du Coran. Ensuite, et on va terminer par cela inshallah pour ce qui est de la sunna. Pour ce qui est de la sunna et pour ce qui est du fait donc que la femme elle cache tout son corps et que tout son corps donc est en réalité considéré comme partie dont elle doit cacher. Fi hadith alladhi rawahu al-imam at-Tirmidhi min hadith ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu huwa hadith sahih sahahu Shaykh al-Albani fi sahih al-Jami' numéro du hadith est le 6690. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'atu 'awra. Al-mar'atu 'awra. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'ici la femme elle est aura, tout est aura de la femme. Donc c'est-à-dire que tout son corps est aura. Que ce soit ses mains, ou son visage, ou ses pieds, tout est aura. Al-mar'atu aura. Fa'idha kharajat istashrafaha al-shaytan. Et lorsqu'elle sort, donc lorsqu'elle va sortir dehors, le shaytan istashrafaha, c'est-à-dire qu'il va essayer de la faire dévier, voilà. Yan istashrafaha ya'ru alayha, c'est-à-dire qu'il va essayer de la faire dévier. Etc. Donc ici وزاد ابن حبان واقرب ما تكون من ربيا اذا هي في قعر بيتها. Et elle est le plus proche de son seigneur lorsqu'elle se trouve fi jouf, yani qa'r, qui est le jouf al-bayt, qui se trouve en plein milieu, la partie la plus cachée de sa maison. C'est là où elle est le plus proche de son seigneur. Donc à partir de là, on va comprendre que de ce hadith que la aura, comme le Nabi Sallam lam yastathni shay, il n'a pas mis en exception quoi que ce soit. Il a dit al mar'a aura dans ce hadith authentique. Donc la femme, tout son corps, il est aura. Également qissatul ifk, tout le monde sait, lorsque Aïcha, on l'a accusée d'avoir fait le zina, ayadun billah, tout le monde connaît non qissatul ifk, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Et donc, lorsqu'une personne qui était Safwan ibn al-Mu'attil al-Dhakwani, lorsqu'il a aperçu Aïcha, il a vu donc une chose qui était noire. Donc, il s'est approché de Aïcha, radiallahu ta'ala, anha. Fara'a sawad insan, na'im, fa'atani, fa'arafani, hina ra'ani, wa kana yarani, qabla al-hijab. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu, Aïcha, pourquoi? Parce qu'il l'a reconnu avant le hijab. Elle dit bien, il m'a reconnu parce qu'il me voyait déjà avant qu'il y a la descente des versets pour ce qui est de l'obligation du hijab. Et ensuite, lorsque je me suis réveillé et que je l'ai aperçu, donc, j'ai caché mon visage. Je me suis donc caché mon visage, c'est-à-dire j'ai mis mon voile sur mon visage. Donc également, ça c'est une preuve, plus que clair, que les femmes du prophète, et donc les mères des croyants, elles portaient donc ce ce sitar sur leur visage et recouvrer donc tout leur corps. Également ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud, lorsque Aïcha faisait le hajj, taqul kana rukman yamuruna bina wa nahnu muhrimat. C'est-à-dire lorsqu'on faisait notre hajj, il y avait des rukman, donc des cavaliers qui passaient à notre hauteur. Et nous, on était en état de ihram, bien entendu. Ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha hadhuna sadalat ihdahuna jilbabaha ala wajhiha min ra'siha wa idha jawazuha aw jawazuna kashafna. C'est-à-dire, donc elle nous dit que lorsqu'ils passaient les gens, que les rukman ils passaient à leur niveau, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elles cachaient leur visage. Et lorsque donc ils les avaient dépassés, elles enlevaient le voile qui cachait leur visage. Donc également, ça c'est une preuve que les femmes du prophète, elles portaient donc sitar, elles portaient le niqab. Bien entendu, ici c'est pas le niqab, c'est sadl. On verra donc la différence. On a déjà expliqué ici fil fisharh kitab shir al-islam fil fiqh al-hajj. Le quatrième hadith qu'on va citer, et qui est le dernier, inshallah, la dernière preuve, c'est un hadith d'Ibn Omar, et qui est également fi masalat al-hajj. Où Ibn Omar yaqul, qala an-nabi sallam, lan tantaqib al-mar'atu, c'est-à-dire la tantaqib al-mar'a. Lorsqu'elle est en état d'ihram, la femme, elle n'a pas le droit de porter donc, ce qu'on appelle ici le niqab. Et le niqab, ma'na al-niqab, c'est-à-dire de mettre ce tissu et de venir le resserrer derrière la tête, de cette manière-là. Ça, c'est un niqab. Tayyib. Donc, tout simplement, si le prophète sallam dit que c'est interdit à ce moment-là, ça veut dire. Bien entendu, c'est au minimum mashrou' avant, c'est légiféré bien avant. Mais à ce moment-là, c'est pas légiféré de mettre ce niqab. Donc également, c'est une preuve qui est plus que claire. Muttafaqun alayhi al-hadith. Comment on peut yani natajahal an hadhihi al-umur? Comment on peut ignorer des choses qui sont aussi claires dans la religion, en plus des versets du Coran, en plus des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? C'est ce qu'on appelle sadl, c'est-à-dire qu'elle porte un voile qu'elle va donc laisser retomber sur sa tête et qui va donc cacher son visage. Et elle peut mettre partout ce qu'on appelle l'abaya, abaya ar-ras, de cette manière-là. Le principal, c'est qu'il n'y a pas shad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un resserrement à ce niveau-là, que ce soit par une ficelle ou autre. Ça, c'est ce qui est interdit. Et donc, ça, c'est le niqab. Et ça, c'est interdit donc durant le pèlerinage ou durant la umrah, lorsque la personne, lorsque la femme, elle est en tadi ihram. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appelle donc as-sadl. Adawa al-farq. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit également hada yadullu ala anna an-niqab al-qaffazan kana ma'rufan fi an-nisa allati lam yahrimna wa dhalika yaqtadi sitr wujuhinna wa aydihin. Cheikh l'Islam il dit à partir de ce hadith que il était connu chez les femmes qui n'étaient pas en état d'ihram qu'elles portaient le niqab et qu'elles portaient le qaffaz, donc qu'elles cachaient leurs mains et qu'elles cachaient leur visage. Tayyib. Et donc cela implique qu'elles cachaient donc leur visage et qu'elles cachaient leurs mains. طيب ان شاء الله ما طولنا عليكم ونكتفي بهذا هذا القدر ان شاء الله تعالى هذا جميع ما عرضنا من وسائل نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا ان يوفقنا للعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين